reçu le mensonge, puis tellement souffert dans notre feu, là, tu sais, là, qu'à ce moment-là, on a le pouvoir. Là, à ce moment-là, une fois qu'on a le pouvoir, bien, ils sont obligés de nous le donner puis de nous le reconnaître, le pouvoir, parce qu'ils sont, ils deviennent impuissants par rapport à nous autres au niveau de la programmation. Ils sont plus capables de nous faire les écouter, sont plus capables de nous faire les aimer. Tandis que pour l'être humain sur la Terre, sont capables de nous faire les écouter, sont capables de nous faire les aimer, sont capables de nous faire les prier comme à côté, sont capables. Comment tu veux dire? Fait que tant qu'ils sont capables, nous autres, on n'a pas de vertu. On s'en donne, on s'en crée, on s'en réfléchit, mais ça, ça fait partie de notre astral. C'est qu'un jour, là, quand l'homme commence à être en puissance, que là, il comprend pourquoi est-ce qu'il a vécu telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis il comprend pourquoi, parce que c'est ça qui l'a amené à être en puissance, puis à ce moment-là, de se créer ses propres vertus. Puis c'est quoi nos vertus? Ben, pour un homme qui a une conscience vibratoire, sa seule vertu, puis le, sa seule vertu, si tu veux, c'est de pouvoir ne pas mourir en forme astrale. Autrement dit, pas perdre sa conscience. Ça sert pas aux autres, en tout cas. Ça sert rien qu'à lui, ça. Ça, t'sais, ça sent l'affaire. Fait que, pis ça, c'est la mesure de ça, mais c'est lui qui l'a. T'sais, moi, si j'ai la mesure de me guérir tout seul, c'est moi qui l'a. Ouais. Moi-même, je te dirais, pis je dirais, bon, ben, Daniel, je suis capable de me guérir tout seul. Ça, ça te dit rien. Ça me sert pas, non. Ça te sert pas. C'est ça. Parce que moi, si je suis malade, je suis sûr que moi, me guérir tout seul. Fait que ma mesure, c'est moi. Fait que l'homme va avoir sa propre mesure à lui-même. Comment? Fait que, à ce moment-là, tu regardes en arrière, puis tu regardes ton initiation solaire, ainsi de suite, puis là, tu vois pourquoi. C'est pour ça que dans le temps, je disais, ils ont toujours raison, les enfants de chienne, tu sais. C'est bien intelligent de l'intelligent. Ah ben, je suis tanné de souffrir, là. Je comprends tout. On comprend. On pense qu'on comprend, tu sais. C'est comme un peu les affaires des athlètes, tu sais. Le coach, il dit, go. Tu dis, ah, ben, je suis fatigué, là. Je suis bon pour l'affaire olympique. On pense. Lui, il sait si t'es bon. Toi, tu penses que t'es bon. Parce que t'es pied d'athlète, là. Ma vieille relation avec le double, c'est un petit peu pareil. C'est pour ça que c'est bien intelligent. Mais vous avez été capable de parler au coach, moi. J'étais capable de parler au coach pas tout de suite. Après ben des années, quand tu as réellement cassé mon corps. Puis à un certain moment donné, ça c'est intéressant ce que tu dis. À un certain moment donné, j'avais le fallait que je sache. Que je sache plus que le coach si je t'apprête aux Olympiques. Mais le coach pouvait pas me le dire. Fait qu'un jour, quand tu m'as fait trop souffrir dans mon corps, le coach, là, je l'ai accroché par la gauche, j'ai dit, mon tabarnak, si tu me donnes une autre 5 minutes de même, je t'ai tué. Fait qu'il a vu que j'étais sérieux, il a arrêté. Fait que là, il savait que j'étais bon pour les Olympiques. Un petit peu dans le verre. Fait que son jeu, c'est de vous pousser à l'ultime limite. Son jeu, c'est de pousser à l'ultime limite pour voir si je l'ai, cette affaire-là, cette power-là, d'étreindre le coach et dire, ouais, ben, c'est assez, là, je suis prêt pour les Olympiques, là. Don't fuck with my body anymore. C'est-tu la mort? C'est pas la mort. La mort, elle vient bien avant ça. La mort au niveau d'une fusion, elle vient dans les 2-3 premiers mois de fusion. Mais les 14 années plus tard, là, ça, c'est pas la mort. C'est la destruction du mensonge cosmique. Parce que là, on a dépassé l'affaire de penser qu'on peut mourir ou vouloir mourir, puis toute cette affaire-là. Ça va plus loin que ça. Même dans une fusion, on peut croire. Dans une fusion, au début, tu crois, oui, effectivement, parce que tu connais pas au début, dans une fusion, tu connais pas les mécanismes. Tu sais, bon, là, faut établir le fait que je suis un initié, fait que ça faisait partie de ma vie, ça, puis de mon expérience, de découvrir ça tout seul. L'homme va pouvoir le savoir à cette heure, parce que c'est vite. Mais dans mon cas, il fallait que je le découvre, ça. Tu sais, je pouvais pas dire, bon, ben, je pouvais pas leur demander. Il fallait que je le découvre, c'est ça, initié. Mais quand tu l'as découvert, puis tu le sais, ben, à ce moment-là, mais là, c'est coulé en ciment. Ben non, y aurait-tu... Mais il donne pas de break. Y aurait-tu, pour chaque personne, quelque chose à découvrir qui lui est propre? Tu sais, que vous avez pas découvert, que moi, je vais découvrir, puis un autre, puis etc., etc. Ouais, mais c'est intéressante, ta petite curve, parce qu'il y a une petite curve dans ce que tu viens de me dire, là. Ah, c'est de ménard. Il y a une petite curve. m'a dit une chose, mais alors, si tu savais ce que je sais, t'aurais rien à apprendre. Fait que ça règle ton cas. Par contre, dans ton expérience, il y a des choses que tu vas apprendre, qui font partie de ton de ta compréhension puis de ton étude, ainsi de suite, qui font partie de ton échange avec eux autres, de la stabilité de tes corps. Wow. Mais tu peux pas le savoir ça avant ton temps. Ouais. Fait quand même, moi, je te dirais, ben, Daniel, telle affaire. Tu me répondrais, ben, Bernard, dans mon temps, je comprends, je le vois, je suis d'accord, mais dans mon temps, je vais aller chercher la vibration de ça. OK. Fait que c'est dans ce sens-là. Comment on peut comprendre quelque chose puis pas pouvoir le vibrer tout seul? Parce que vous avez pas la conscience vibratoire. Ouais, vous avez pas le choc nécessaire. C'est la souffrance qui donne la conscience vibratoire. C'est pour ça que de la connaissance occulte, ça vaut absolument rien. De la connaissance ésotérique, ça vaut absolument rien. C'est simplement un apprentissage psychologique. Ce qui vaut quelque chose, quand t'es dans une initiation solaire, quand tu passes de l'involution à l'évolution, ce qui vaut quelque chose, la seule chose qui a de la valeur, c'est la souffrance qui te donne le taux vibratoire. C'est ça qui est de la valeur. Mettons que vous êtes en colère, là. Votre colère, c'est pour vous, c'est pour vous habiter, dans le sens pour être pleinement en force dans une situation. Quelqu'un qui est dans votre orbite pourrait avoir l'impression de pomper de la colère puis d'être même en colère avec vous. Ça, c'est une totale illusion. Parce que, fondamentalement, votre vibration, c'est pour vous. Ouais. Ça émane pas ses autres. Ça peut déborder ses autres puis les faire réagir émotionnellement. Ouais. Mais ouais. C'est la seule limite. Ouais. Ma colère, c'est pour moi. Ouais. Est en fonction de ma conscience vibratoire. Bon, mais les gens qui vous assistent dans votre conscience vibratoire, comment ça se fait qu'ils ont l'impression de vibrer la même chose que vous dans certains cas? À ce moment-là, il y a une conscience vibratoire. Si une personne a une conscience vibratoire, elle va vibrer la colère de l'autre. Fait que c'est communicatif. C'est pas communicatif, c'est une forme de télépathie. C'est une forme de conscience. Parce que quand une conscience vibratoire, c'est facile pour toi de connaître puis de comprendre la souffrance de l'autre. Parce que t'as une conscience vibratoire. Tu vibres dans les mêmes registres. Fait que si l'autre a une colère, t'es capable de vivre toi aussi une colère. Tu vas comprendre sa colère. Mais ça sera pas nécessairement dans le même registre. Ça va être dans ton registre à toi. Bon, le registre d'une personne, est-ce que c'est en relation avec la foi? Moi, si j'étais en conscience vibratoire et je vis une colère, là, ma femme a vu la même colère. Pas la même dans le sens qu'elle va pas faire avec sa colère ce que moi je ferais, mais elle va faire avec la colère, sa colère, des choses qui sont à la mesure de son taux vibratoire. Mais elle rentre en sympathie vibratoire avec ma colère. Okay, okay. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'on parle de conscience universelle. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que à distance, vous faites une colère, la personne qui est en syntonie vibratoire avec vous, elle va vivre aussi à distance une colère. Ouais, ben je peux pas vous dire ça parce qu'à ce moment-là, ça crée des femmes. T'sais, OK. Mais c'est plausible. C'est intéressant. Faut pas trop jouer ses phares. Non, mais c'est parce que ce que je veux faire ressortir, Bernard, c'est le fait que on veut pas être en colère, on est mis en colère. Puis si on est mis en colère, c'est un réseau d'énergie qui est mis en colère ou qui veut une colère. Donc, ça peut impliquer plusieurs individus qui, dans différentes fonctions, ont à vivre à partir de ce réseau-là quelque chose. C'est comme les ordinateurs qui mettent en réseau. Quand il y a une donnée qui rentre, c'est bon, c'est valide pour les 15 ordinateurs qui sont branchés sur le réseau. Dépendant de taux vibratoire. Ça dépend toujours du taux vibratoire. Dès qu'ils sont branchés sur le réseau. Ouais. Ouais. On pourrait te dire qu'une conscience vibratoire, c'est être branché au réseau. Ouais. C'est universel. Fait que c'est pas exclusif à un. Ça peut passer plus fortement. C'est pas exclusif à un. Non. Bon. Quand ça passe plus fortement par un, c'est-tu à cause de son champ d'application? Parce que lui, c'est à cause de sa sensibilité. Mm-hmm. C'est à cause du développement de son système nerveux. Mm-hmm. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, que un être humain qui est en contact avec le monde de l'âme, les entités. Eux autres, ces entités-là utilisent son sang pour entrer dans ces... Parce qu'un homme qui est en contact avec les mondes, ce qu'on appelle les mondes de la lumière, eux autres utilisent son système nerveux.